Que signifie ce verset ? Et quiconque croit en Dieu, Dieu guide son cœur. C'est la personne à laquelle allusion est faite dans le verset précédent qui sait, lorsqu'il est affligé d'un malheur, c'est qu'il vient d'Allah, l'accepte et se soumet à lui. Mohamed, a-t-il besoin d'associer ? Muslim rapporta le hadith marfou suivant d'après Abu Huraira, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a révélé, je suis le dernier à avoir besoin d'associer. Celui qui m'associe, qui que ce soit, je l'abandonnerai à son propre sort malheureux. » Ahmad rapporta le hadith marfou suivant d'après Abu Saïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous dise ce que je crains pour vous plus qu'un faux Christ ?» Ils répondirent « Oui, en effet. » Il dit alors « Le shirk dissimule comment quand quelqu'un améliore sa façon de faire le salat, sachant que les autres le regardent. » Les motivations mondaines sont-elles punies ? Allah Ta'ala a dit « Quiconque veut la vie présentée avec son décor, nous leur parferons là leur action sans que rien leur en soit diminué. Pour cela, rien dans l'au-delà que le feu, et échouera ce qu'ils auront fait ici, et sera vain ce qu'ils auront œuvre. » Le Saint-Coran, Sourate 11, versets 15 et 16. Abu Huraira radiallahu anhu rapporta ce hadith sahih suivant. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malheur à l'esclave du dinar, malheur à l'esclave du dirham, malheur à l'esclave du Kamisa, malheur à l'esclave du Kamila. » La désobéissance au prophète et le fait de légitimer ce qui est interdit, comment est-il vu? Ibn Abbas a dit « Je vous dis que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci et vous me dites que Abu Bakr et Omar ont dit quelque chose d'autre. Le ciel va bientôt vous cracher des pierres sur la tête. » C'est le shirk, car désobéir au prophète dans certains de ses commandements, c'est pratiquement comme si on reniait son message et on s'attirait le feu. Qui peut-on qualifier de mu'min? Allah Ta'ala a dit, et quand on leur dit « Ne commettez pas le désordre sur la terre », ils disent « Nous ne sommes que des réformateurs ». Sourate 2, verset 11. Allah a dit « Et sur la terre, après qu'elle a été réformée, ne commettez pas le désordre. » Est-ce donc le jugement de l'ignorance qu'ils cherchent? Coran, Sourate 7, verset 56, 85, Sourate 5, verset 50. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « On ne doit pas qualifier quelqu'un de mu'min tant que ma révélation ne lui soit pas devenue un instinct et une passion. » À quelle occasion ce verset a-t-il été révélé? C'est lui mon Seigneur, pas d'autre Dieu que lui. En lui je place confiance et vers lui le repentir. Allah Ta'ala a dit « Il m'écroit le très miséricordieux. » Dit « C'est lui mon Seigneur, pas d'autre Dieu que lui. En lui je place confiance et vers lui le repentir. » Le Saint-Coran, Sourate 13, verset 30. Ce verset a été dit lorsque la tribu de Quraysh entendit le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mentionner il-Rahman, ils furent une objection, c'est pour cela qu'Allah a fait la révélation du verset. Et il m'écroit le très miséricordieux. Le Coran, Sourate 13, verset 30. Comment peut-on reconnaître et renier les faveurs de Dieu à la fois? Ils connaissent le bienfait du Dieu, puis ils le nient. Cependant que la plupart d'entre eux sont mécréants. Mujahid dit, ce verset s'applique à celui qui prétend que ceci est ma propriété. Je l'ai hérité de mes ancêtres. Aoun ibn Abdallah dit que le verset s'applique à celui qui prétend que s'il n'y avait pas eu cette personne-ci ou celle-là, ceci ne serait pas arrivé. Ces paroles que beaucoup ont tendance à prononcer, par exemple, le vent était favorable, le pilote était intelligent, ainsi de suite, pourrait facilement impliquer l'homme dans le shirk. Que signifie le verset ? Ne donnez donc pas de rivaux à Dieu alors que vous savez. Ne mentionnez personne avec Allah si vous voulez éviter le shirk. L'explication du verset tiré de Sourate al-Baqarah concernant l'andad, les rivaux ou associés. Les compagnons comprirent le verset condamnant un plus grand shirk comme comprenant le moins. Jurer par quelqu'un d'autre que Dieu constitue le shirk. Jurer par quelqu'un d'autre que Dieu est d'un crime plus grand que celui de jurer faux. La différence entre « et « puis » quand on jure. Faut-il jurer par autre que Dieu ? Il est interdit de jurer par les ancêtres. Le devoir d'accepter et d'être satisfait par l'action d'un constataire de jurer par Allah, la condamnation de celui qui n'en est pas satisfait. Est-il permis de dire « Comme c'est merveilleux qu'Allah et toi l'ayez voulu » ? Un juif rapporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains musulmans étaient coupables de shirk car ils disaient « Comme c'est merveilleux qu'Allah et toi l'ayez voulu » et par le shirk, alors le prophète ordonna à ces gens-là de jurer plutôt par le Seigneur du Kaaba et te dire « Comme c'est merveilleux qu'Allah l'ait voulu et ensuite que toi tu l'aies voulu ». La connaissance des juifs du shirk est moins grande. La compréhension de l'homme est affectée par sa volonté et sa passion. La déclaration du prophète « Avez-vous fait de moi un associé égal à Allah ?» Combien ces versets de poésie sont donc condamnables ?« Ô la plus noble des créatures, je n'ai jamais d'autre à qui avoir recours, sauf vous. » Que ceci n'est pas le plus grand shirk à cause de la déclaration du prophète qu'il avait ses raisons pour ne pas l'interdire plus tôt. Qu'un jugement ou une vision juste est une sorte d'inspiration. Qu'un jugement ou une vision juste peut servir de base à quelque législation. Est-il permis de nous dire Allah ? Allah Ta'ala a dit, et ils disent, il n'est pour nous qu'une vie, la présente. Nous mourons et nous vivons et seul le temps passe, nous tue. Le Saint Coran, verset 24, sourate 45. Dans son hadith, Abu Huraira rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah Ta'ala a dit, l'homme nous blasphème en maudissant il dort, car nous sommes il dort. Nous faisons succéder la nuit au jour et le jour à la nuit. Dans une autre version, ne maudissez pas il dort, car il dort, c'est nous. L'interdiction de maudire il dort, la qualification et la malédiction d'il dort, de blasphème, considérez la signification de la déclaration, nous sommes il dort. Il est possible de commettre un tel blasphème même inconsciemment. Le roi des mondes, à qui il doit être appliqué? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au point de vue d'Allah, le titre le plus offensif que peut assumer quelqu'un, c'est celui de roi des mondes. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. L'interdiction d'appliquer le titre roi des mondes à quelque humain, l'interdiction de tout autre titre ayant une connotation semblable comme l'exemple de Soufiane, l'emphase sur cette et les autres interdictions, même si le violateur n'avait pas l'intention de commettre un blasphème, le rappel que la glorification appartient à Allah seul, Subhana Ta'ala. Peut-on appliquer les noms d'Allah à des humains ? Le respect est pour des noms et attributs d'Allah et le soin de ne pas vouloir leur manquer de respect, même sans le vouloir. Changer son nom par respect pour les noms d'Allah. Que signifie ce verset? Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que patauger et jouer. Et quand est-ce qu'il a été révélé? Allah Ta'ala a dit, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que patauger et jouer. Le Coran, sourate 9, verset 65. Un homme arriva un jour et déclara, nous n'avons jamais vu quelqu'un avec un plus gros appétit, plus menteur et plus lâché dans la bataille que le prophète d'Allah et ses compagnons. Le plus important, c'est de ne pas plaisanter avec de telles choses équivaut à la non-croyance, que c'est la véritable interprétation du verset, peu importe qui commet le crime. La différence entre les rumeurs mal intentionnées et le conseil sincère pour l'amour d'Allah et de son prophète. La différence entre le pardon qu'Allah aime et la sévérité envers ses ennemis. Est-il permis d'associer quiconque à Dieu? Ibn Hazm a dit, le consensus est d'interdire quelque nom qui implique le service à quelqu'un d'autre qu'Allah, tel que Abd al-Omar, Abd al-Ka'ba, ainsi de suite, sauf Abd al-Muttalib. L'interdiction de tous les noms qui impliquent le service à quelqu'un d'autre que Dieu, l'explication des versets sus-mentionnés. Le shirk commis en nommant le nouveau-né n'est pas tout ce qu'il y a dans cette histoire. Un enfant saint est le cadeau d'Allah à l'homme, un bien positif. La distinction des ancêtres entre le shirk dans l'obéissance et le shirk dans l'adoration. Que signifie se servir de noms blasphématoires? Ibn Abbas dit, la phrase « se servir de noms blasphématoires » signifie « lui donner des noms impliquant le shirk ». Ibn Abbas confirme l'interprétation précédente. Prouver quels sont les noms d'Allah, prouver leur signification sublimée, l'ordre de l'appeler par ses noms, l'ordre d'éviter l'ignorant, les blasphémateurs du mal, l'explication de la nature du blasphème impliqué ici, la condamnation de celui qui en est coupable. Est-il permis de saluer Dieu et que nous ont dit le prophète? Dans le Sahih, Ibn Mas'ud radiallahu anhu raconta, un jour, lorsque nous étions en train de prier avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit, que la paix soit sur Allah de la part de ses serviteurs, que la paix soit sur telle ou telle personne présente. Le prophète réagit en nous donnant l'ordre, ne dites pas que la paix soit sur Allah, car Allah est la paix. Il faut faire remarquer ici l'explication de la paix. La paix est un salut. Son inconvenance lorsqu'elle est appliquée à Allah, la cause de cette inconvenance. Enseigner aux musulmans quelle forme de salut est convenable et quelle forme ne l'est pas. Est-il permis de prier le Seigneur en invoquant « Priez, ô Seigneur, pardonne-moi si tu veux ». Dans son hadith, Abu Huraira rapporta que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne laissez personne dire « Ô Seigneur, pardonne-moi si tu veux » ou « Aie pitié de moi si tu veux » car personne ne donne des ordres à Allah. Laissez ainsi l'homme présenter une requête décisive. Musulman reporte le hadith « Laissez l'homme présenter sa requête à Allah avec fermeté et clarté. » Pour Allah, il n'y a pas de requête qui est de trop ou qui le dépasse. Il faut remarquer ici l'interdiction de conditionner dans la prière, la cause de cette interdiction, la signification de requête décisive, prendre et rendre la supplique claire, précise et sublime, la justification du dernier point. Est-il permis d'appeler quelqu'un mon serviteur ou mon esclave? Abu Huraira rapporte dans son hadith que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne laissez personne dire à un serviteur « Apporte de la nourriture à ton maître » ou « Fais de la lumière à ton maître ». Mon serviteur, mon esclave, laissez le serviteur dire « Mon maître » ou « Mon patron » et laissez le maître désigner le serviteur ou l'esclave « Mon jeune homme, ma jeune dame, mon garçon ou ma fille ». Il faut remarquer ici l'interdiction de dire au serviteur ou mon esclave, l'interdiction de dire au maître mon seigneur, apprendre au maître de dire mon jeune homme, ma jeune dame, mon garçon, apprendre au serviteur de dire mon maître, mon patron, l'emphase sur le tawhid, même en diction, le but ultime de l'ordre. Sommes-nous obligés de donner à ceux qui demandent au nom d'Allah? Abu Daoud et Al-Ansari rapportèrent avec un sinad valable que Ibn Omar radiallahu anhu raconta que le prophète a dit « À celui qui vous demande quelque chose au nom d'Allah, on doit lui la donner. Celui qui vous fait appel au nom d'Allah doit être répondu. De plus, celui qui vous fait une faveur doit être récompensé. Si vous n'avez pas des moyens pour le faire, priez pour lui jusqu'à ce que vous sentiez qu'il a été suffisamment récompensé. » Il faut remarquer ici l'obligation de protéger celui qui demande la protection au nom d'Allah, l'obligation de donner à celui qui demande au nom d'Allah, répondre à celui qui fait appel, récompenser la bonne action. la prière équivaut à une récompense pour ceux qui sont dans l'impossibilité de donner autre chose. L'explication de la déclaration jusqu'à ce que vous sentiez que vous l'avez suffisamment récompensée. Peut-on prier le paradis pour l'amour de Dieu? Abu Daoud rapporta de Jabir que le prophète d'Allah a dit « Seul le paradis peut être prié pour l'amour d'Allah ». Il faut remarquer ici l'interdiction de demander quoi que ce soit pour l'amour d'Allah, sauf la chose la plus grande et la plus importante, que l'amour d'Allah est un attribut divin. Conditionnel, est-il permis dans les paroles des musulmans? Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Si nous avions en quelque part à la faire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. » Tranquillement assis eux-mêmes, ils dirent de leurs frères « S'ils nous avaient au pays, ils n'auraient pas été tués. » Le Saint-Coran, Sourate 3, verset 154, Sourate 3, verset 168. Dans le Sahih, Abu Huraira raconta que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Recherchez avec beaucoup de soin ce qui vous fait du bien. Demandez l'aide d'Allah et ne vous écartez pas du droit chemin. S'il vous arrive quelque chose, ne vous lamentez pas. « Oh, si j'avais fait ceci ou cela, telle ou telle chose ne serait pas arrivée. » Dites plutôt, « Allah a voulu qu'il en soit ainsi, et ce qu'il a voulu est arrivé. » Le mot « si » ouvre la porte à Satan. Il faut remarquer ici l'explication des deux versets tirés de Sourate Ali Imran, l'interdiction formelle de dire « si » en cas d'adversité. L'explication de l'interdiction en référence à Satan. Le conseil pour une bonne pensée et diction. L'ordre de continuer à rechercher ce qui est bénéfique tout en demandant la protection d'Allah. L'interdiction de s'y opposer, ce qui constitue de l'impuissance. Est-il permis de maudire le vœu? Al-Tirmizi rapporta avec édition que Ubay ibn Ka'b a dit, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ne maudissez jamais le vent si les événements contredisent vos désirs. Priez. Ô Seigneur, nous te prions de nous accorder le bénéfice de ce vent, le meilleur de ce qu'il apporte, le meilleur de ce que tu as décrété. Nous avons recours à toi contre le mal de ce vent, du pire de ce qu'il apporte et du pire de ce que tu as décrété. » Il faut remarquer ici l'interdiction de maudire le vent, le recours à la prière bénéfique en cas d'adversité, que l'adversité constitue l'objet de l'initiative divine, qu'Allah peut apporter l'adversité aussi bien que ce qu'il l'oppose. Pourquoi est-il interdit de penser de Dieu l'invraisemblable? Ceux-ci pensaient de Dieu l'invraisemblable, la pensée d'ignorance, et disaient, que nous reste-t-il dans cette affaire? Dit, l'affaire tout entière est à Dieu. Le Coran, sourate 3, verset 154. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Les faiseurs de Dieu et les faiseuses de Dieu pensent de Dieu, pensez de mal. » En effet, avoir de mauvais soupçons, c'est renier la sagesse d'Allah, son qadr, providence, que la cause de son prophète va réussir, qu'Allah donnera la victoire à son prophète sur toutes les religions. De tels mauvais soupçons étaient en fait entretenus par les hypocrites et les polythéistes, comme l'indique le Sourate Al-Fatr. C'est un mal parce que c'est peu convenable pour Allah, pour sa sagesse, pour sa louange et sa vraie promesse. Ceci est tout à fait comme il le faut. Penser qu'Allah retournait sans cesse le faux et le mal contre le vrai et le bien, dissipant ainsi ce dernier. Nier que les événements passent par son qadr et son décret, renier la sagesse d'Allah pour laquelle on aurait dû le louer, et prétendre que les événements sont le travail d'une volonté aveuglée ou de la chance. C'est cela le mauvais soupçon des non-croyants, malheur à eux dans le feu. La plupart des gens tombent en effet dans cette erreur concernant les événements qui leur arrivent et à d'autres. Seuls ceux qui connaissent bien Allah, ses noms et attributs, sa sagesse sont immunisés. Que le lecteur intelligent et rusé qui s'est laissé gagner par le soupçon profite de cette prudence. Qu'ils se repentissent à Allah et recherchent son pardon. Cherchez n'importe qui vous voulez, vous le verrez certainement obsède contre le qadr, le blâmant convaincu qu'il aurait pu être autre chose que ce qu'il a été. Mais regardez en vous-même, frère lecteur. Êtes-vous complètement libéré? Si vous l'êtes, vous avez bien fait. Mais si vous ne l'êtes pas, vous n'obtiendrez pas le salut. Il faut remarquer ici l'explication du verset tiré de sourate Ali Imran, l'application de sourate Al-Fatr. Le doute peut se montrer sous diverses formes. Seul celui qui a connu Allah, ses noms et ses attributs peut être libéré de tout soupçon concernant Allah. Les dénégateurs du Qadar, comment sont-ils vus par l'islam? Muslim raconta que Ibn Omar a dit: par celui qui tient dans sa main l'âme de Ibn Omar, si quelqu'un possédait une montagne d'or aussi grande qu'Uhud et la dépensait complètement dans la cause d'Allah, Allah ne l'accepterait que s'il croit en Qadar. Puis il récita les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien en évidence. L'imam, c'est de croire qu'Allah en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en le jour du jugement et en le Qadar d'Allah pour le bien ou le mal. Il faut remarquer ici l'explication du devoir de croire en Qadar, l'explication de la signification de la croyance en El Qadar, la condamnation du travail du non-croyant en Qadar, que personne ne peut goûter à lui-même jusqu'à ce qu'il croie en Qadar. La première chose, créer. Que les hommes de science répondent à l'enquêteur de façon convaincante en citant le jugement au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, seulement. Quelle est la punition des imitateurs? Muslim et Al-Bukhari rapportent de Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah Ta'ala a dit, personne n'est plus injuste que celui qui prétend créer comme moi. Pourrait-il créer un atome, une seule semence, un seul grain d'orge? Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la punition la plus grande sera assignée le jour du jugement à ceux qui rivalisent avec la création d'Allah. Ils rapportèrent de Ibn Abbas, j'ai entendu le prophète d'Allah dire, chaque peintre se dirige vers le feu. Chacun de ses tableaux sera reproduit et lui sera remis en enfer comme une torture. Finalement, tous deux ont rapporté le hadith mahfoul, celui qui est une image ou un portrait sera demandé de lui apporter la vie, chose qu'il ne pourra jamais faire. On doit remarquer ici la condamnation sévère des faiseurs d'images, la clarification de la raison pour cela, la violation de Abdab en relation avec Allah, comme le montre sa déclaration « Personne n'est plus injuste que celui qui prétend créer comme moi ». Le contraste entre le pouvoir divin et l'incapacité humaine, suivant la déclaration « Pourrait-il créer un seul atome, un seul grain d'orge ?» que leur punition sera le plus sévère. Faut-il jurer fréquemment? Allah Ta'ala a dit « Mais tenez vos serments » le Saint-Coran, sourate 5, verset 89. Muslim et Al-Bukhari rapportèrent de Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'il a dit « J'ai entendu le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « J'ai entendu un serment et une imposition à faire, mais c'est une abomination s'il est utilisé comme une source de profit. » Le prophète d'Allah a dit « Il n'y a que trois catégories de personnes qui ne seront pas adressées par Allah, ni seront-elles bénies par Allah. Une punition sévère leur est réservée. » Ces trois catégories de gens sont les adultères mûris, les protèges fiers et ceux qui ont fait d'Allah leur commerce en achetant et en revendant avec un serment, l'invoquant à chaque moment. Il faut remarquer ici le conseil que les serments doivent être gardés, que les serments sont faits pour être dépensés, qu'ils sont une abomination s'ils sont utilisés comme source de profit. La condamnation sévère du vin recourt au serment. La culpabilité peut être grondée pendant que les criminels sont peu nombreux. La condamnation de ceux qui jurent sans être priés. L'éloge du prophète à l'égard des trois ou quatre premières générations. La condamnation de ceux qui témoignent sans être priés. Le châtiment des ancêtres à l'égard des jeunes pour leur témoignage vain et leur serment. Quel est le verset relatif aux promesses d'Allah et de son prophète? Allah Ta'ala a dit « Et remplissez le pacte de Dieu quand vous pactissez et ne brisez pas les serments après les avoir renforcés et désignez Dieu comme garant pour vous. » Le Saint-Coran, sourate 16, verset 91. Muslim rapporta de Buraïda chaque fois qu'il chargeait un officier de l'armée ou l'investissait de la commande d'une force ou d'une expédition, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui conseillait à lui et à ses subordonnés de craindre Allah. Il disait « Allez en avant au nom d'Allah, faites la conquête pour sa cause. Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Allah, mais jamais avec haine ou avec déception. Ne mutilez pas le mort, ne tuez jamais un enfant. À chaque fois que vous rencontrez vos ennemis polythéistes, rappelez-les les trois vertus, quelle que soit celle qui leur convient d'y adhérer. Acceptez-la d'eux et éloignez-vous d'eux. Ensuite, appelez-les à l'islam. S'ils acceptent d'y adhérer, acceptez-les et demandez-leur de quitter leur région pour se rendre à celle des moujahidines. Rassurez-les que s'ils se conforment, les droits et les privilèges des moujahidines seront également les leurs. S'ils refusent, informez-les qu'ils seront traités comme les nomades des camps musulmans qui sont sujets à la loi d'Allah, qu'ils ne partageraient le butin ou les profits de la guerre que s'ils luttent du côté des musulmans. S'ils rejettent cela, alors demandez-leur de payer le jizya. S'ils sont d'accord, acceptez-les et ne leur opposez pas. Mais s'ils résistent toujours, alors demandez l'aide d'Allah et faites-leur la guerre. Il faut remarquer ici la différence entre la promesse ou le pacte d'Allah, de son prophète et des musulmans. Le conseil de suivre l'alternative la moins dangereuse. L'ordre, allez en avant au nom d'Allah pour la cause d'Allah. L'ordre, faites la guerre à ceux qui renient Allah. L'ordre, demandez l'aide d'Allah et faites-leur la guerre. La différence entre le jugement d'Allah et celui de l'ulama. Que le jugement du compagnon peut ou pas ne s'accorder avec le jugement d'Allah. Que nous dit Muslim à propos des serments liés à Allah? Muslim rapporta de Jundub ibn Abdullah radiallahu anhu que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme dit par Allah, Allah ne pardonnera pas cette personne. À cela, Allah, qu'il soit loué et glorifié, dit: qui est celui qui prétend que je ne pardonnerai pas à cette personne-là? En effet, je lui ai déjà pardonné que refuter l'insertion. D'après la version d'Abu Huraira, le hadith se poursuit ainsi. Celui qui a juré est un pieux. Toutefois, il a fait une déclaration qui a détruit sa vie dans ce monde et dans l'au-delà. Il faut remarquer ici l'avertissement contre le fait de faire des serments liés à Allah. Le feu de l'enfer est plus près de nous que notre semelle, de même que le paradis. Chaque déclaration est témoignée par Allah. L'homme peut être pardonné pour des raisons des plus éloignées de ses espérances. Peut-on prier Dieu pour intercéder contre ses créatures? Ne savez-vous point qui est Allah? Allah est plus grand que d'être prié d'intercéder contre quelqu'un. Il faut remarquer la condamnation de la requête d'intercéder contre quelqu'un. La colère du prophète était clairement reflétée sur le visage de ses compagnons. Sa tolérance de la requête qui lui était adressée pour qu'il intercède auprès d'Allah. Les musulmans ont demandé à Mohammed de prier pour avoir de la pluie. Comment le prophète sauvegarde le tawhid et quel est son effort à faire obstacle au shirk? Al-Nasa'i rapporta avec un bon isnad que Anas radiallahu anhu a dit: lorsque certaines personnes s'adressent au prophète avec les mots « Ô prophète d'Allah, ô le meilleur de nous tous, ô fils du meilleur, notre maître » ou « Ô fils de notre maître », il les interrompt pas et dit « Ô mes frères, dites ce que vous êtes venus me dire et ne vous laissez pas influencer par Satan. Je ne suis que Mohammed, le serviteur d'Allah et son prophète. » Il faut remarquer ici que prévenir les gens contre l'exagération est important. Comment celui qu'on adresse comme notre maître aurait dû répondre? L'ordre du prophète, ne vous laissez pas influencer par Satan, malgré le fait qu'ils n'ont rien dit que la vérité. Sa déclaration, je n'approuve pas que vous m'éleviez au-dessus de mon rang. Quelle est la signification du verset? Ils n'ont pas mesuré Dieu à sa vraie mesure. Au jour de la résurrection, cependant, il fera de la terre entière une poignée et les cieux pliés dans sa main droite. Ibn Mas'ud raconta, un prêtre s'approcha un jour du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dit: ô Mohammed, nous avons vu dans les livres saints qu'Allah placera les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau sur un doigt, le sol sur un doigt, et toute l'humanité sur un doigt, et dira: je suis le roi. qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète éclata de rire, affirmant que ce que le prêtre avait dit concernant Allah était vrai, et récita le verset. Et ils n'ont pas mesuré Dieu à sa vraie mesure au jour de la résurrection. Cependant, il fera de la terre entière une poignée. Il les placera tous sur sa main droite, pureté à lui. Il est tant plus haut que les associés qu'il donne. Le Saint-Coran, sourate 39, verset 67. Nous vous remercions d'avoir répondu à ces interrogations et de nous avoir appris plus à travers votre sagesse et de votre science.